Alors ici, vous avez une grande chambre. Elle est très bien pour un lit de deux personnes. Ah oui. Et là, vous avez la salle de séjour. Elle est très claire. Ah oui, il y a beaucoup de lumière. Mais dites-moi, ce n'est pas bruyant ? Non, la rue est calme. Et vous êtes au 4e étage. Oui, c'est vrai. Et là, c'est la cuisine ? Oui, c'est ça. Voilà, c'est tout. Alors, comment trouvez-vous l'appartement ? Il est très joli.